Regardez de manière négligée un écran de téléphone. Regardez, émerveillé, le monde qui nous entoure. Regardez à la dérobée pour ne pas être vu. Regardez en coin, regardez tendrement la personne qu'on aime ou fusiller du regard un ennemi. Dans la vie, on passe beaucoup de temps à regarder finalement, et de multiples façons. Mais savez-vous comment fonctionne la vision? Savez-vous par quel mécanisme nous percevons une image lumineuse? Ouvrez grand les minérettes, ce soir, on parle de la vision. Nous sommes le mercredi 23 mars 2022. Bienvenue dans Podcast Science, épisode 471. Très bien, et donc pour nous parler de ça, une table comme d'habitude totalement éclatée, donc avec moi-même le seul parisien, Cléora depuis la Normandie. Oui, salut à tous. Pascal, fidèle à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et Alexa qui est notre spécialiste d'émirettes, qui est biologiste à Beverly Hills. Et qui va nous parler ce soir du coup de son c'est quasiment ton sujet d'étude quand même. La vision. Ça l'a été, oui, ça l'a été, effectivement. Alors, je ne suis pas aussi fancy que tu le dis, car je suis plus à West Los Angeles que Beverly Hills. Donc, c'est-à-dire que si mon appartement me coûte 2000 par mois, je n'habite pas dans un château. Mais bon, c'est quand même pas mal. Oui, donc, effectivement, moi, j'ai travaillé sur la vision des couleurs, notamment chez les chauves-souris, qui ont un œil de vertébré, donc très proche du nôtre. On l'évoquera un petit peu, même si aujourd'hui on va parler essentiellement de la vision humaine. Et pourquoi j'ai eu envie de vous parler de la vision? Parce qu'on n'en a pas vraiment trop parlé dans le podcast, et que si beaucoup de gens pensent savoir beaucoup de choses sur la vision, en fait, il y a pas mal de choses rigolotes à dire. Et voilà, je voulais faire un peu un épisode là-dessus qui parle un peu de la vision humaine et de plusieurs aspects, l'œil et également aussi un peu le système musculaire autour. Déjà, j'imagine que vous le savez, le système visuel, comme je viens de le dire, c'est pas uniquement les yeux, c'est tout un ensemble de choses, les yeux qui nous servent évidemment à capter la lumière, mais également le cerveau qui retraite l'information, tous les systèmes de nerfs qui vont au cerveau et qui permettent de relayer l'information entre les yeux et le cerveau, également tous les muscles qui entourent les yeux et toutes les structures qui permettent à l'œil de fonctionner correctement. On va le voir que c'est un peu plus complexe qui se passe. Alors, qu'on peut l'imaginer. Alors, si on pense à l'œil comme structure, l'œil, c'est d'abord vraiment la structure qui nous permet de capter la lumière, de capter les images. Et si on veut comprendre comment un œil fonctionne, on peut faire une analogie avec un appareil photo. Alors, même si du coup l'appareil photo est inspiré de l'œil, partir de l'appareil photo pour comprendre comment l'œil fonctionne, c'est plutôt une bonne idée parce que c'est plus simple que l'œil. Alors, l'œil, il est composé on va partir de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'œil comme première structure? Alors, il y a cristallin, c'est pas l'extérieur, ça? Le cristallin, alors c'est au milieu, la cornée, effectivement. On a d'abord la cornée, qui est en fait la partie qui est juste devant l'iris et la pupille. Donc ça, c'est vraiment la partie qui protège de l'œil et qui se prolonge par ce qu'on appelle la sclère ou les tissus ou la conjonctive. Vous savez, la conjonctive, c'est cette partie qui peut être inflammée quand vous avez une conjonctivite, par exemple, qui est le blanc de l'œil. Donc vous avez le blanc de l'œil et vous avez juste devant l'iris et la pupille la cornée qui protège en fait l'œil de l'extérieur. Ensuite, derrière ça, donc on va avoir la pupille au milieu de l'iris. L'iris, c'est un muscle qui entoure la pupille et qui est capable de faire varier son diamètre. Je pense que vous avez tous vu ça. Si vous êtes à la lumière, les pupilles sont extrêmement petites parce que vu qu'on a énormément de lumière ambiante, on en fait rentrer un petit peu moins dans l'œil. Par contre, si vous êtes à l'obscurité ou si vous avez pris certaines substances, la pupille est extrêmement dilatée. En général, c'est parce que quand vous êtes à l'obscurité, en tout cas, plus de lumière a besoin de rentrer. Donc, on ouvre la pupille pour permettre à la lumière de rentrer. Si on reprend l'analogie avec un appareil photo dont j'ai parlé, la pupille, ce sera vraiment le diaphragme de l'appareil photo. Alors, on peut parler des appareils photo numériques hein, et, ou des appareils photo à l'ancienne. Si vous avez pris des appareils photo avec des films, par exemple, si vous ouvrez évidemment le diaphragme à fond et que vous prenez une photo, elle apparaîtra toute blanche parce qu'on a beaucoup trop de lumière qui rentre. Donc là, vraiment, la pupille, ça va avoir ce rôle-là de changer la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Derrière, on a ce que Cléora a mentionné, qui est le cristallin, qui joue le rôle, en fait, dans votre appareil photo de la lentille, d'une lentille convergente, c'est vraiment exactement ça, qui est formée de tout un tas de protéines, notamment de l'une qui s'appelle la cristalline. Et le rôle de cet organe, du cristallin, ça va être vraiment de jouer le rôle de lentille pour aller focusser l'image sur le fond de l'œil, pour aller former l'image que vous voyez du monde qui vous entoure à un endroit exactement précis du fond de l'œil. Comme un appareil photo, vous avez une lentille qui vous permet d'aller projeter l'image exactement, de faire se former l'image exactement à l'endroit de votre capteur ou de la pellicule, dans le cas des vieux appareils, pour qu'on ait une représentation fidèle. C'est exactement le rôle du cristallin. Et ensuite, vous avez un grand espace dans l'œil qui est à peu près formé de gélatine, un peu pas mal d'eau. Et tout au fond de l'œil, là où se forme l'image, vous avez la rétine, qui est vraiment la partie de l'œil qui contient les photorécepteurs, donc qui est capable de réceptionner la lumière. Et la rétine, si on reprend l'analogie de l'appareil photo, c'est vraiment soit votre pellicule, soit votre capteur. C'est ça, c'est là où l'image va se former, et c'est la rétine qui va coder, en fait, l'information de l'image pour ensuite relayer ce signal via le nerf optique jusqu'au cerveau qui, lui, bah, évidemment, va reconstituer l'image que vous verrez. J'ai mentionné la partie entre le cristallin et la rétine qui est constituée un peu d'eau, etc. Alors pourquoi c'est constitué d'eau ? Bah, tout simplement parce que l'œil est rond. Et en fait, si vous enlevez cette partie-là, l'œil va s'affaisserait sur lui-même. Donc voilà, ça permet aussi de transmettre la lumière. Mais le fait que l'œil soit complètement rond et soit vraiment un globe, c'est aussi lié au fait qu'on ait toute cette partie un peu très aqueuse à l'intérieur qui lui permet de garder sa forme. Comme l'a dit Johan, j'ai travaillé sur la vision pas mal, et quand j'ai été amenée à disséquer des yeux, bon, c'est pas très ragoûtant dit comme ça, mais ça c'est un truc qu'on voit extrêmement bien quand on dissèque un œil et qu'on enlève cette partie un peu gélatineuse qui est à l'intérieur, l'œil va complètement s'affaisser sur lui-même. Donc on a vraiment ce système extrêmement finalement assez élaboré dans son développement, mais qui dans son fonctionnement est assez proche donc de ce qu'on peut avoir avec un appareil photo et qui est finalement assez simple. Alors, comme je vous l'ai dit, le cristallin, c'est une lentille. Et qu'est-ce que vous savez sur les images qui se forment à travers des lentilles convergentes ? Moi, je sais qu'elles sont à l'envers. J'ai pas fait beaucoup de physique, mais... Elles sont à l'envers. C'est ça. Sans physique, tu sais qu'elles sont à l'envers. Joanne, tu savais aussi. Alors, Joanne peut-être... J'ai pas eu le temps de répondre, pardon. Joanne, du coup, tu peux peut-être nous expliquer le côté physique, pourquoi l'image se forme à l'envers ? Bah oui, c'est le plus simple, c'est de le voir avec de l'optique en traçant des rayons. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous en ont fait au lycée, avec plus ou moins de plaisir, vous vous en rappelez peut-être pour certains. Mais si vous tracez le rayon, vous voyez bien que le rayon qui passe, celui qui arrive en haut, qui passe par le haut de la lentille en fait, va être envoyé vers le bas de l'image au moment du passage de la lentille, et inversement en fait quand tu portes une lentille pour une lentille convergente. Voilà, je sais pas si c'est ça que tu voulais ou... Si c'est ça, bah je pense que effectivement c'est une bonne idée de rappeler les expériences de physique du fait que la lentille est convergente, l'image se forme à l'envers sur la rétine. Alors pourquoi est-ce qu'on la voit à l'endroit ? Ça, en fait, c'est quelque chose que des gens ont essayé d'expliquer par le passé de différentes façons. Je pense qu'il faut se rappeler pour comprendre ça que les organismes ont quand même évolué dans un environnement. L'évolution a privilégié l'évolution du cristallin comme lentille convergente, et le cerveau a coévolué avec ça et donc remet d'instinct l'image à l'endroit, en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit l'image dans le bon sens. Maintenant, il y a une expérience rigolote dont je voulais parler qui a été faite dans les années 50, enfin initiée dans les années 30, mais vraiment plus développé dans les années 50, qui est l'expérience d'Erisman. C'est quelqu'un qui s'est dit, et si on mettait l'image à l'endroit, si on forçait la vision sur la rétine, la projection d'une image à l'endroit, comment est-ce que les gens feraient en fait ? Donc pour ça, il a inventé des lunettes avec des prismes qui, du coup, font voir à l'œil une image inversée, qui du coup oblige la formation d'une image à l'endroit sur la rétine derrière. Et alors c'est marrant, les sujets ont porté ces lunettes pendant quelques jours. Au début, évidemment, les gens, c'est comme quand on se met devant un miroir et qu'on essaye d'attraper les choses, les gens étaient complètement déboussolés. Et puis au bout d'un moment, les gens s'adaptaient et réussissaient au bout d'une semaine à même peindre et colorer les choses à l'endroit, alors qu'a priori, l'image se formait à l'envers. Ça ne veut pas nécessairement dire que le cerveau a inversé l'image, ça veut plutôt dire que la personne s'est adaptée, mais et ça montre aussi la capacité du cerveau à s'adapter, mais c'est des expériences qui sont, je trouve, rigolotes, parce qu'elles montrent qu'en fait, très tôt, les gens se sont posés ce genre de questions. Et évidemment, justement, du coup, à partir de... Parce que ces expériences d'optique, là, on les connaît depuis avant Newton, on sait qu'une lentille convergente, ça inverse, et du coup, il n'y a pas eu... Enfin, ça a dû faire bugger, je pense, pas mal de gens pendant longtemps, non, le fait que... Parce que c'est pas intuitif que le cerveau, il inverse, non? Je pense que c'est pas... Non, c'est... je pense que ça... Oui, c'est une question qui a fait bugger les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des mécanismes hyper complexes pour remettre les choses à l'endroit et tout. Je pense qu'il faut vraiment... Et c'est là où je pense que le côté évolutif est très important, de se dire que... Pour une raison ou pour une autre, la lentille convergente a été, les systèmes évolutifs ont fait évoluer un œil avec une lentille convergente. Sans doute pour former l'image à un endroit précis, là où on a des récepteurs. Mais maintenant, si tu développes le cerveau en parallèle de ça, finalement, c'est pas vraiment un problème que l'image soit à l'envers, si intuitivement le cerveau sait comment interpréter cette image, tu vois. Et après, la façon de comment on voit les images, c'est encore assez... Comme on la reconstitue au niveau cérébral et tout, c'est encore assez compliqué, mais ça fait intervenir le cortex et différentes régions cérébrales aussi. Ou alors, il n'est pas totalement impossible que le monde soit réellement à l'envers. on le voit juste correctement. On le voit juste correctement. Ouais, non, mais ça... ce serait bizarre avec... Si tu prends des expériences genre la gravité et tout, mais... Mais de toute façon, est-ce que tu vois la même chose que moi, Johan? On ne le saura jamais. Non, mais la gravité est peut-être une force qui va du bas vers le haut. Ouais. Enfin bon, voilà. En tout cas, on a tout ce système qui est assez complexe et avec encore quelques mystères, en tout cas, dans la façon dont tout ça est traité. Alors, j'ai dit que l'image arrivait sur la rétine, qui est l'équivalent du capteur, donc soit de la pellicule, soit du capteur de votre appareil photo numérique, par exemple. Et pour ça, dans un capteur photo numérique, on a des cellules qui réceptionnent la lumière et qui sont capables de l'envoyer vers la carte mère de l'appareil photo. Pour nous, ces cellules, ce sont les photorécepteurs. On en a deux types. On a des cônes qui sont sensibles à la vision diurne, donc la vision avec de la lumière, et la vision des couleurs, et on a les bâtonnets qui sont sensibles à la vision de nuit, donc qui sont sensibles à la lumière vraiment faible, et qui, eux, ne sont que d'un seul type. Ça a plusieurs implications. Si on a différents types de cônes, on a trois types de cônes, rouge, vert, bleu. Là encore, pensez à votre écran d'ordinateur ou à votre appareil photo. Vous savez que si vous modifiez les couleurs d'une photo, par exemple sur Photoshop ou quelque chose comme ça, vous jouez toujours sur la quantité de rouge, de bleu et de vert que vous mettez dans une photo. Et ben en fait, c'est un peu la même chose qui se passe dans notre œil. On a trois cônes principaux qui nous permettent de capter différentes longueurs d'onde. Et en modulant le nombre de ces cônes qui sont activés, des trois, qui est en fonction évidemment de la lumière qui arrive, on va avoir une perception des couleurs qui va nous permettre de reconstituer toutes les couleurs du visible, forcément, puisque c'est calqué sur la vision humaine, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut voir. Par contre, pour ce qui est des bâtonnets, donc ceux qui nous permettent de la vision de nuit, on n'en a qu'un seul type. Et ça, ce qui est sensible plutôt dans le bleu. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la nuit, on n'est pas capable de voir les couleurs. J'en parlerai un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans cet épisode, mais on n'a qu'un seul type de photorécepteurs pour voir la nuit, qui sont donc les bâtonnets. Ensuite, reprenons donc la géologie du capteur. Si je vous parle de la résolution d'une photo, est-ce que vous savez à quoi c'est lié, la résolution d'un appareil photo, par exemple? C'est le nombre de pixels, ça? Oui, Ouais, alors c'est lié à plusieurs choses, mais en grande partie, le nombre de pixels que effectivement ton appareil peut voir joue sur la résolution. On pense que pour la vision, on a un peu le même nombre de choses qui intervient. En fonction des espèces animales, notamment sur les chauves-souris, on a, suivant les espèces, des variations du nombre de cônes et de bâtonnets dans les rétines. Et on pense que, bon, l'analogie avec les pixels n'est pas parfaite, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais on pense que le nombre de photorécepteurs qu'on va avoir dans une rétine va influer sur la finesse de la sensibilité, la finesse des couleurs et aussi la finesse de la résolution qu'on peut voir avec un œil. Donc c'est vraiment exactement ce que tu dis, le nombre de pixels, ici ce sera le nombre de photorécepteurs qu'on a dans la rétine, qui va influer sur la vision. Ensuite, ouais. non, mais quand tu dis sur la finesse de la couleur, oui, ça, je te crois, mais c'est vrai que pour un œil de même taille, au bout d'un moment, si tu augmentes le nombre de pixels, tu changes plus l'image, en fait. Enfin, ce qui fixe la résolution oculaire, angulaire, pour un système optique, c'est la taille du diaphragme d'entrée, quoi. Et tu peux, si t'as pas assez de pixels au bout d'un moment, bah oui, effectivement, mais au bout d'un moment, si tu continues à augmenter, donc je sais pas exactement, ça paraît un peu étrange que tu me dis. Après, c'est peut-être aussi que je sais pas, il y a peut-être des chauves-souris, enfin, ou des animaux qui ont juste pas assez de pixels par rapport à la taille de leur résolution de leur œil. Oui. Alors, c'est plutôt effectivement ça qui se passe. Après, c'est vraiment la densité qu'on peut prendre en compte. Et tu as aussi un lien entre le nombre de la densité de photorécepteurs que tu as et la densité de neurones sensitifs derrière, tu vois, qui permettent de relayer l'information. Donc, je rentre pas dans le détail parce que là encore, c'est assez mal compris, en fait. Mais en gros, je pense que dans le monde animal, en tout cas, on se situe en dessous du cas limite que tu mentionnes. C'est vraiment des choses qui sont très grosses. Et par exemple, pour des chauves-souris de même taille, quand on a une variation du nombre de photorécepteurs, on voit vraiment des différences fonctionnelles. Ouais, Pascal, tu avais une question ? Je rebondis sur ce que tu disais, Johan. Ça veut dire que théoriquement, on aurait une meilleure résolution avec une vision de nuit quand la pupille s'agrandit. Oui, je pense que normalement, tu augmentes légèrement ta résolution. Alors après, si tu l'augmentes de... attends. Ça dépend en fait du nombre de pixels que tu as dans ton œil, quoi. Si tu changes pas de... Bon, après, si tu la changes de 1% ou 2%, ça change pas grand-chose, quoi. Et puis, et si t'es sous-résolu, ça veut dire que si t'as pas assez de pixels par rapport à la tâche qui est créée par ton œil, dans ce cas-là, tu peux agrandir, ça change rien, quoi, en fait. Oui. Donc c'est... Ce que je dis là est applicable aux appareils photo et aux télescopes où en gros, tes pixels sont beaucoup plus importants que la tâche, t'en as au moins 5 ou 6 par élément de résolution, élément optique de résolution. Et du coup, là, bah, si tu augmentes la taille du télescope, ouais, du coup, là, tu augmentes forcément la résolution. Mais ce qui fait, par exemple, que JWST, quand ils observent dans les mêmes longueurs d'onde, voit mieux que Hubble, parce qu'il est plus grand. Voilà. Mais c'est des cas où là, du coup, tu as augmenté aussi le nombre de pixels. Sinon, si tu es limité par le nombre de pixels, après, ça ne c'est plus le cas. Et c'est un peu ce que dit Alexa, c'est que finalement, c'est pas dans le vivant, tu es sans doute un peu souvent limité par le nombre de pixels. Voilà. Pour ce qui est de la résolution jour versus nuit, on va y venir aussi un peu plus loin parce qu'il n'y a pas uniquement ça qui vient en compte, mais c'est effectivement une question importante. Alors ensuite, je parlais purement là ici de la densité hein, de bâtonnets et de cônes. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'œil humain en particulier, celui sur lequel je me focus aujourd'hui, n'a pas une répartition uniforme des cônes et des bâtonnets sur la rétine. On a la région centrale de l'œil, une des régions vraiment au milieu qui s'appelle la fovéa, qui est un concentré de cônes. On a vraiment plein de cônes les uns sur les autres, très collés, on a très peu de bâtonnets. Et par contre, dans les régions où le plus on s'éloigne de cette région, le plus on va avoir de bâtonnets. Donc on a vraiment cette différence entre la répartition des cônes et des bâtonnets sur la rétine qui a des conséquences très importantes sur la vision. En fait, cette partie, la fovéa, qui est au centre de l'œil, qui contient tous les cônes, c'est la partie qu'on utilise pour focusser, pour vraiment focusser sur quelque chose. Et pour voir une vision des détails en vision diurne. Par exemple, si vous focussez par exemple sur un mot là, sur votre écran, vous focussez sur lui et si vous essayez de voir votre vision périphérique, vous vous rendez compte que vous ne voyez pas vraiment tellement ce qu'il y a autour avec le même nombre de détails. En fait, c'est un peu flou. Et ça, c'est vraiment lié à cette différence qu'on a, qui est que quand on focus sur quelque chose, on utilise cette région de l'œil qui est spécialiste dans la région des détails parce qu'on a beaucoup de cônes et parce que voilà, ils sont vraiment concentrés dans ce petit point-là. Et autour, la vision périphérique, ben, elle est un peu plus floue. Mais elle nous sert évidemment pour d'autres choses, elle est plus sensible à des mouvements, ce genre de choses, mais vraiment pour tout ce qui est précis, c'est à ce niveau-là. Et ça fait aussi que on a vraiment cette différence de capacité entre vision centrale et vision périphérique, qui est assez spécifique en fait à l'espèce humaine. Les souris, par exemple, ont une répartition beaucoup plus homogène des cônes, ce qui leur permet pas d'avoir cette capacité de focusser qu'on a sur certaines images. On a aussi un taux de rafraîchissement qui est différent entre la vision centrale et la vision périphérique. La vision centrale, on rafraîchit des images plus 3-4 fois par seconde, alors que la vision périphérique, on rafraîchit à 100 images par seconde. Ça aussi, c'est lié avec le fait que on focus parfois avec notre vision sur des choses en particulier, qu'on a cette différence de vision entre les deux. Si vous fixez quelque chose aussi d'une façon très très nette et si on force l'œil à ne pas bouger, on observe quelque chose qui est assez intéressant. On se rend compte que les images, elles disparaissent au bout d'un moment. Si vous ne bougez pas votre œil et que vous focussez sur quelque chose, bon, c'est dur à le faire parce que vous avez des petits mouvements des yeux qui focusent, mais au bout d'un moment, l'image va disparaître parce que il y a ce rafraîchissement des photorécepteurs qui existe et que si vous ne les rafraîchissez pas, et ben en fait, au bout d'un moment, le récepteur il sera inactivé et vous pourrez plus voir correctement. En dehors de cet endroit qui s'appelle la fovéa, où on a les cônes qui permettent la vision hyper précise, la vision fixe, on a aussi une autre zone au niveau du nerf optique qui est la zone aveugle. C'est vraiment une zone où on n'a pas de photorécepteur. Pourtant, lorsque vous regardez autour de vous, vous n'avez pas de trou dans votre champ de vision. Bah, ça, c'est lié au fait que le cerveau, là encore, compense. Mais il y a une façon de voir ce point aveugle dans la rétine. Alors, si vous écoutez ce podcast en voiture, ne le faites pas. Mais on peut faire un petit exercice là avec vous. Je vais vous donner un lien vers qu'on va mettre dans la chatroom aussi, vers la page Wikipédia du point aveugle, parce qu'il y a une image que vous pouvez regarder. Voilà, merci Cléora. Si vous ouvrez cette image, vous pouvez voir que vous avez donc... vous avez un test du point aveugle avec donc un D à gauche, oui, et un G à droite. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez regarder ces deux lettres et vous allez masquer l'un de vos yeux et vous fixer avec l'autre la lettre appropriée. Donc, c'est-à-dire que vous fermez par exemple l'œil gauche et vous fixez avec votre œil droit la lettre D. Et si vous jouez avec la distance que vous avez à cette image, vous pouvez voir qu'au bout d'un moment, l'autre lettre va disparaître. Il faut que tu caches ton œil, Johan, vraiment. C'est flagrant. Ça marche chez toi, Pascal, ouais. Eh ben... Voilà, et ben ça, c'est ça met en évidence en fait le fait que vous avez ce point aveugle où à un moment donné, quand vous avancez et reculez, vous ne voyez plus. Et ça marche pas avec deux yeux parce qu'en fait, avec deux yeux, en fait, il y a l'autre œil qui aide le premier en fait. Oui. Mais en fait, tu compenses. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est continu, c'est qu'il y a le cerveau, il sait pas, enfin, il nous dit pas quand est-ce qu'il y a qu'un seul œil qui voit ou quand il y en a deux quoi. Oui, voilà, exactement. Oui, donc, ce qui voilà. Est normal, en fait, parce que finalement, même quand j'y pense, en fait, tout le côté gauche de ma vision, en fait, il n'y a que mon œil gauche qui le voit, mais je ne vois pas foncièrement de différence, en fait, avec le centre. Bah, Après, c'est la vision binoculaire, en fait. Après, tu vois, t'as le cerveau qui intègre les informations des deux et qui remet ensemble. Et ça permet aussi de voir en 3D, parce que tu pourrais pas voir en 3D si t'as un seul... correctement en 3D si t'as un seul œil. Donc, t'as, après, une intégration des informations spatiales, etc., qui se fait au niveau plus central. Alors, comme je l'ai dit, je vous ai parlé un peu de ces images qui disparaissent là. En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre comment ce qui se passe lorsque la lumière arrive sur le photorécepteur. Donc, j'ai dit qu'il y avait des rafraîchissements, etc., qu'on avait différentes densités en fonction de là où on est sur la rétine. En fait, ce qui se passe lorsque la lumière touche un photorécepteur, elle va l'activer. Un photorécepteur qui est dans un état moléculaire, on va dire, là encore, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait aller dans le détail des photorécepteurs, etc., mais ce serait assez biochimique et pas très très intéressant finalement. Lorsque la lumière arrive sur un photorécepteur, elle va, qui est en état dépolarisé, voilà, elle l'hyperpolarise. Et ça, c'est lié au fait que la lumière dans le photorécepteur, donc que ce soit un bâtonnet ou un cône, elle touche une protéine qui s'appelle une opsine, qui à l'intérieur a un pigment qui s'appelle le rétinal, qui se trouve dans les photorécepteurs. Et en fait, quand la lumière touche la protéine opsine, le rétinal va changer de conformation et on va avoir une réaction en chaîne qui va se mettre. Et finalement, ça va envoyer un signal aux nerfs, ensuite aux différents neurones de la rétine et ensuite aux nerfs optiques. Mais une fois que le récepteur il est hyperactivé, il doit être inactivé pour être de nouveau utilisable. En fait, c'est vraiment comme... je sais pas, vous êtes chez vous, vous allumez un interrupteur, vous avez la lumière qui arrive, mais ensuite, pour avoir un signal lumineux encore, vous devez l'éteindre et le rallumer. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe. En fait, lorsque votre récepteur, il est activé, il faut d'abord l'inactiver pour qu'on puisse voir de nouveau quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de constamment... régénérer les images et qu'on peut pas fixer constamment quelque chose, sinon on pourrait pas former de nouvelles images et l'image disparaîtrait. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je fixe des fois des choses et les images ne disparaissent pas. Alors comment ça se fait? En fait, ça se fait parce que l'œil, votre œil, il bouge en permanence en fait. Même quand vous fixez quelque chose, il y a plein de petits mouvements qui ont lieu dans l'œil qui permettent aux images de se rafraîchir en fait un petit peu en permanence. Donc, on a différents types de mouvements. On a des mouvements de saccade qui peuvent être volontaires ou non. Donc, qui sont des mouvements que votre œil fait. Par exemple, si vous regardez un visage pour la première fois, vous vous rendez sans doute pas compte, mais vous bougez souvent de regarder les yeux de la personne, son nez, sa bouche. Et ça, il y a tout un tas de schémas qui peuvent être faits et qui ont été décrits. En fait, on regarde, quand on regarde une scène, on regarde différents éléments plus ou moins rapidement. On a aussi ce qui s'appelle des micro-saccades pour ce qui est la fixation dont je parlais. Par exemple, vous focussez sur un mot sur votre écran. Par exemple, moi, j'ai le numéro 471 qui est sur mon écran d'ordinateur, là. Si je focus sur lui, je peux vraiment, voilà, focuser très fort sur lui. Mais en fait, mes yeux font des petites micro-saccades qui permettent de rafraîchir comme ça, de régénérer en fait en permanence le champ visuel. Vous avez d'autres mouvements aussi, comme la dérive, c'est ça qui vous permet de suivre un objet qui se déplace, par exemple. Lorsque vous voyez une voiture qui passe devant vous et que vous la suivez du regard, ben, il y a tous les muscles au niveau les six muscles principaux au niveau des yeux et d'autres aussi qui permettent de suivre tout ça. Vous avez aussi un réflexe qui est rigolo qui s'appelle le réflexe oculo-vestibulaire. C'est celui qui vous permet de rester fixé sur quelque chose si vous êtes par exemple sur une chaise qui tourne. Si on vous met sur une chaise et que vous faites tourner la chaise, en fait, vous voyez pas tout flou. Vous suivez du mouvement le paysage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si vos yeux ils tournent un peu avec votre tête, bah vous avez un système qui permet des saccades qui permettent de compenser le mouvement des yeux pour que ça reste toujours fixe. Et c'est ça qui fait que même si vous êtes un mouvement, même si vous tournez, même si vous êtes soumis à tout un tas de différences, vous pouvez quand même garder une vision suffisamment nette. C'est rigolo, il y a un truc d'ailleurs sur ça avec le cinéma, où je lisais que avec les nouvelles caméras, maintenant tu peux filmer suffisamment rapidement en fait pour ne pas avoir cet effet de flou quand la caméra bouge très vite. Oui. Et en fait, alors c'est plus réel, parce qu'en pratique, nous, on ne l'a pas. Mais ça met assez mal à l'aise les gens, parce qu'on s'est habitué, en fait, au cinéma à ce que le, on ait du flou. Quand l'image bouge vite, quand il y a une chaîne d'action rapide, on voit du flou et on s'y habitue. Et du coup, les films qui sont filmés avec plus de FPS, en fait, du coup, n'ont pas de flou. Mais souvent mettre un peu mal à l'aise les ciné, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, en fait. Il y a des télés qui rajoutent des images aussi calculées pour casser ces effets de flou. Et quand j'ai changé de télé il y a 2 ans, ça m'a vraiment fait bizarre et je ne supportais pas. Je pensais que c'était la 4K qui me faisait ça, et en fait, non, c'était ça. Oui, c'est quoi, tu passes à du 60 Hz, je crois, au lieu de 50 Hz, quelque chose comme ça, il me semble. Alors, c'est pas... c'est plus au niveau des frames par seconde. Donc pour moi, ouais, c'est tu dois passer de 24 à 60 ou un truc comme ça. Bah moi j'ai eu le même effet que toi. Mes parents ont acheté une nouvelle télé qui a ça, et je ça fait pas réel pour moi, en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait un effet vraiment très très bizarre. Je suis d'accord, il y a un petit côté un peu Vallée de l'étrange, en fait. T'as l'impression que les personnages sont trop fluides. Et ce qui est bizarre, parce qu'au final, c'est plus proche de ce qu'on a vraiment. Je pense qu'on s'est habitué. Il y a un film que j'avais vu, ouais, qui était tourné en 60 images par seconde, qui était pas terrible, avec Will Smith, qui s'appelait Jamie Neiman, et qui faisait... t'as l'impression de voir un truc en plastique. Hein. C'est assez bizarre, ça faisait mal à l'aise. Ça m'a d'ailleurs gâché un peu la série The Mandalorian. Ah, oui. Oui, c'est vrai, mais maintenant que tu... Bon, après, moi, j'ai vu ça sur un site basé en Russie, avec une qualité assez douteuse, mais j'ai pas trop vu ça. Mais... Allez, puis t'es plutôt entre 10 et 12 frames par seconde, Alexa, du coup, ça allait. Ça posait pas trop de problèmes. Et je voulais dire un truc aussi, oui, sur les saccades, qui peut intéresser Cléora, et ce qui me rappelle l'épisode de Cléora sur la mémoire. Et notamment quand t'as parlé de la maturation du cerveau chez l'enfant et l'adolescent. En fait, les mouvements de saccades, c'est typiquement quelque chose qui est pas complètement en place avant l'adolescence. Alors les saccades verticales, je crois, donc celles qu'on fait comme ça, se mettent vraiment en place vers 6 ans. Mais certaines saccades horizontales se mettent en place vraiment plus vers 15 ans. Enfin, on va dire la fonction complète, quoi. Donc, quand on dit que les enfants en dessous de 12 ans ont un champ visuel qui n'est pas mature, ça fait partie des choses qui rentrent en compte. C'est évidemment plus complexe que ça, mais ça nous montre aussi, là encore, que, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place, à la fois au niveau cérébral, visuel, et là, purement aussi, voilà, le fonctionnement de ces muscles contrôlés involontairement. Et ça, tu sais comment on le sait? Parce que j'avoue que ça me paraît dingue. C'est-à-dire qu'on a demandé à des enfants et on s'aperçoit qu'ils ne voient pas la même chose verticalement qu'horizontalement que par rapport à nous. Alors, tu as plein d'expériences qui sont faites. En fait, ça tombe bien, ça me permet de rebondir là-dessus. Pour étudier les muscles. Alors, il y avait une expérience assez horrible qui avait été faite pour cette idée d'images qui disparaissent. Donc, le fait que si on fixe une image, elle disparaîtrait si on n'avait pas ces saccades et ces micro-saccades. En fait, il y a des gens qui avaient réussi à immobiliser... non, c'était pas trop dégueulasse, en fait. Qui avaient réussi à immobiliser l'image sur la rétine en fixant les yeux, en immobilisant les yeux vers une image. Et non, alors, ils n'ont pas immobilisé vraiment physiquement complètement, mais ils ont aussi fait bouger un petit peu l'image avec le regard pour compenser cet effet des micro-saccades. Et là, effectivement, les images disparaissaient. Et en fait, les micro-saccades, tu peux vraiment étudier les mouvements, soit avec des caméras, je crois, en mettant des capteurs et des choses comme ça, tu peux étudier un peu les muscles. Et du coup, ça, tu vois, c'est des choses que tu peux faire très facilement en non-invasif aujourd'hui chez les enfants et les adolescents. Tu peux juste voir comment ils ont des micro-saccades, s'ils en ont, s'ils en ont pas, s'ils ont des saccades, quel type de mouvement des yeux, tout simplement, ils peuvent faire. Et ça, tu peux voir très facilement si tu as une différence entre l'adulte et l'enfant. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Oui, alors ça, j'en parle après. Alors, puisqu'on parlait des couleurs, je voudrais un peu revenir sur la vision des couleurs dont j'ai parlé. Donc, je vous ai dit que on pouvait voir rouge, vert, bleu. On avait 3 types de photorécepteurs. Et même si on a majoritairement, en fait, des bâtonnets, ce qui est assez surprenant parce qu'on est pas mal sur la vision de ces couleurs, on se rend compte qu'on est une espèce quand même relativement diurne parce que on a quand même un ratio qui est pas trop mauvais pour les bâtonnets en fonction des cônes. On a par exemple 20 bâtonnets pour un cône. Si vous prenez des espèces nocturnes, comme la souris, elle a 30 bâtonnets pour un cône. Donc, c'est vraiment cette différence de proportion entre les deux qui, qu'on retrouve chez tous les animaux nocturnes. Ils ont beaucoup plus de bâtonnets. Pourquoi ? Parce qu'ils voient beaucoup plus la nuit. Et la composition des photorécepteurs change aussi selon les espèces. Les espèces nocturnes ont tendance à avoir moins de types de cônes. Pour des raisons évidentes, hein, elles voient pas, elles utilisent moins leur vision diurne et donc, du coup, moins les couleurs. Donc, les souris, par exemple, ont des cônes UV. Et vert, là où on a rouge, vert, bleu, les chauves-souris peuvent avoir deux types. Elles peuvent avoir soit uniquement des verts, soit des verts et des UV. Donc on a, selon les espèces, cette différence de capacité des couleurs. Après, on a des animaux qui, eux, par contre, voient beaucoup plus de trucs que nous. Les oiseaux, par exemple, certaines espèces, elles ont rouge, vert, bleu, UV. Donc elles ont accès à une dimension supplémentaire qu'on n'a pas. Chez les insectes, on a aussi différentes couleurs. On a même... une espèce marine, une sorte de crevette qui a jusqu'à 12 cônes différents. Donc on a vraiment cette variation énorme en fonction des espèces qui permet de voir différentes choses. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi on n'a qu'un seul type de bâtonnet ? Et du coup, pourquoi est-ce que la nuit, on voit pas les couleurs ? Et c'est une très bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi au cours de l'évolution on n'a pas évolué différents types de bâtonnets. C'est des questions que les gens se posent. Mais c'est ce qu'on observe en tout cas dans le monde animal. Parce que ça, c'est commun à tous les animaux. Il n'y a qu'un seul type de bâtonnet, quel que soit l'animal. Alors, c'est une bonne question que tu poses. En fait. La question aussi de l'œil. On a 96% des espèces animales qui ont un système pour voir. Donc ça montre quand même à quel point la vision c'est important. Maintenant, les vertébrés, on a un œil qui a une origine commune. On a un œil qui est conservé avec la même structure. Maintenant, si tu pars en dehors des vertébrés, on a des yeux très très différents. Si tu penses aux yeux des abeilles par exemple, ou des mouches, ou des trucs comme ça, tu vois l'œil composé avec les omatidies là, ça ce sera l'objet d'un autre épisode je pense, avec Topo on pourra faire un truc sympa. On a des systèmes visuels qui sont très différents, mais qui utilisent les mêmes gènes pour se faire. Ce qui pose la question de est-ce qu'on a un espèce de proto-œil commun qui s'est diversifié ? Est-ce qu'on a l'acquisition des yeux plusieurs fois ? On pense qu'on a plusieurs acquisitions, mais on a vraiment des gènes en commun qui sont faits. Et concernant les photorécepteurs, on peut tracer l'origine effectivement commune des certains types de photorécepteurs assez loin. Maintenant, il y a des questions qui se posent, tu vois, loin dans l'arbre, de savoir... si tous les bâtonnets sont issus du même gène initial, tous les cônes, etc. aussi. Il y a un exemple chez les serpents où des bâtonnets deviennent des cônes, genre sont transmutés en différents cônes. Donc, ce qui laisserait penser qu'un type peut évoluer dans un autre. Enfin, tu vois, il y a des questions qui se posent qui ne sont pas toutes encore résolues avec des exemples un peu dans un sens et dans l'autre. Alors, on va parler maintenant, puisqu'on était sur la vision des couleurs, de quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler. Et ici, là, vous êtes trois mecs en face de moi. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont... Ouais, Johan fait un signe de tête viril. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont daltoniens, donc qui ont des problèmes de la vision des couleurs, ce qui est beaucoup plus répandu chez les nains. Heureusement pour vous, ce qui est beaucoup plus répandu chez les hommes que chez les fans, les femmes. Alors quand on dit en anglais daltonien, c'est color blind, ce qui est plutôt ce qui veut dire aveugle des couleurs en gros. Ce qui est plutôt une fausse idée puisque en fait les daltoniens avec la forme la plus commune en général voient les couleurs. Ils peuvent juste pas très bien distinguer la différence entre le rouge et le vert. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on a trois types de cônes. On a bleu, vert et rouge. Et en fait, le cône vert et le cône rouge sont sur le même chromosome, le chromosome X. Et parfois, quand on a la méiose, donc au moment de la division des gamètes, etc., on a ce qu'on appelle des crossing over, donc les chromosomes s'échangent des informations, et ça peut parfois casser des gènes. Et c'est ça qui fait la majorité des mutations génétiques, des problèmes de désordre congénitaux qu'on peut avoir. Et bah, pour ce qui est des daltoniens, en fait, il y a un problème au niveau de ces deux gènes qui sont très très proches et qui se ressemblent beaucoup. Ce qui fait que quand on a la méiose, parfois, l'un des deux se retrouve cassé ou se retrouve perdu. Ce qui veut dire que, en fait, les personnes qui sont daltoniennes, la majorité, ont soit un cône vert, soit un cône rouge, mais en général n'ont pas les deux, ce qui leur permet pas de discriminer. Et pourquoi c'est plus souvent les hommes que les femmes? Bah parce que c'est sur le chromosome X, ce qui fait que là où les femmes ont deux copies du chromosome X, donc potentiellement une copie qui n'est pas abîmée avec le cône rouge et le cône vert, bah si les mecs, vous avez la copie qui est abîmée, bah vous en avez qu'une seule, et c'est pour ça que bah, dans ce cas-là, vous avez des problèmes de vision plus importants. Alors là, voilà, comme je l'ai dit, la forme la plus fréquente, c'est ce problème rouge-vert. On a aussi d'autres formes. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des cônes bleus. Et dans ce cas-là, ils ont une vision de couleur qui est très différente, là où le problème rouge-vert font que les gens perçoivent majoritairement des couleurs bleues, un peu kaki, jaune, verdâtre. Quand on a un problème sur les cônes bleus, on verra plus des côtés un peu turquoise, rose, gris foncé, marron, violet. Et on a enfin un autre problème qui est bah, où les gens perdent complètement la vision des couleurs. Je vois vraiment en noir et blanc. Et ça, bah, ça peut être lié à des choses comme le fait qu'ils aient des cônes complètement atrophiés. Ou alors ça peut être après un accident de voiture, par exemple. Et là, c'est plus d'un côté cérébral, en fait, où on perd la capacité de traiter l'information des cônes. Et comme vous pouvez l'imaginer, les gens qui ont un problème de cône atrophié, en fait, c'est des gens qui ont énormément de problèmes pour voir la journée, parce qu'ils ne peuvent voir que sur leurs bâtonnets, qui sont extrêmement sensibles à la lumière du soleil. Et donc, c'est des gens qui doivent porter des lunettes en permanence. Enfin, c'est vraiment un problème, parce que, bah, en fait, ils n'ont pas de récepteur qui leur permet de réceptionner la lumière de plus forte intensité. Donc voilà ce qui se passe. Un autre truc dont je voulais parler aussi, qui est assez cool, qui est assez discuté encore, mais pour les gens qui ont ce problème de vision rouge-vert, il existe maintenant des lunettes qui ont été développées il y a quelques années, qui permettent aux gens qui ont ce problème au niveau du chromosome de voir les couleurs. Comment ça marche? En fait, ça c'est des lunettes qui alors la physique derrière, là encore je ne connais pas vraiment les détails, en plus il y a des brevets, mais ça change l'intensité des couleurs, ça met des intensités des couleurs beaucoup plus fortes et ça diminue l'intensité d'autres, ce qui fait que les gens qui ont ce problème, et j'ai un ami dont c'est le cas, peuvent revoir les couleurs, ou en tout cas voir les couleurs du coup pour la première fois, parce que ça, ces lunettes permettent de changer un peu l'intensité de la lumière qui arrive et donc de voir les différentes couleurs. Ce que je trouve assez cool quand même. Alors c'est discuté parce que certains médecins disent qu'en fait, bon, c'est pas aussi simple que ça, ça marche pas chez tout le monde, etc. Mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de rapports qui montrent que ça fonctionne quand même un peu. Alors, on a parlé des couleurs et je vous ai parlé aussi du coup avec ces gens qui ont des problèmes de cône et qui n'ont que les bâtonnets de différentes intensités lumineuses. Comme vous le savez, quand on vit voilà sur Terre, on s'adapte à vraiment beaucoup de conditions lumineuses, à la nuit complète, à la nuit de pleine lune par exemple, à la forte lumière, etc. Et si vous en avez tous fait l'expérience, je pense quand vous passez par exemple d'une pièce sombre au plein soleil ou le contraire, vous avez toujours un moment où vous voyez pas forcément super bien parce que vos yeux sont pas adaptés. Et ça fait intervenir différentes choses. Donc j'ai parlé de la pupille en début d'épisode qui change la quantité de lumière qui rentre. Mais si vous avez tous fait l'expérience de rentrer du plein soleil dans une pièce sombre et de rien voir, vous pensez bien que c'est pas suffisant parce que l'adaptation de la largeur de la pupille, elle se fait très très vite. En fait, il y a une autre chose qui rentre en compte et qui s'appelle l'adaptation au noir. C'est le fait que vos cônes et vos bâtonnets ont une réponse différente à la lumière, comme je l'ai dit, et s'adaptent différemment. En fait, si vous êtes dehors et que vous rentrez dans une pièce sombre, ben d'un coup vous allez plus rien voir parce que vos cônes vont pas percevoir la lumière parce qu'ils sont pas sensibles à ça, mais vous n'allez pas voir non plus directement dans la nuit parce que vos bâtonnets ne sont pas encore adaptés. En fait, si vous vous souvenez ce que je dis, quand on a de la lumière qui arrive, bah, les photorécepteurs, ils vont être inactifs pendant un moment. Mais chaque photorécepteur a un certain seuil, en fait, d'inactivité. Et les bâtonnets, en fait, quand vous êtes en plein soleil, dans la lumière du soleil dehors, ils sont en permanence bleachés parce qu'il y a tellement de lumière pour eux qu'ils réagissent pas. Du coup, quand vous arrivez dans le noir, il faut qu'on ait ce système de régénération qui peut être plus ou moins long. Et vous allez progressivement avoir cette adaptation au noir. C'est ça qui fait que, du coup, quand vous rentrez dans la pièce noire, bah, vous voyez de mieux en mieux dans la nuit. Inversement, bah, on a la même chose, hein, sauf que c'est beaucoup plus rapide de passer d'une pièce sombre à la lumière parce que ben, les cônes, finalement, n'étaient pas bleachés, mais ils étaient au repos. Vous passez à la lumière, bah, vous êtes un peu ébloui d'abord, évidemment, parce que tout s'active en même temps. Mais petit à petit, on va avoir cette réponse d'adaptation à l'intensité lumineuse où c'est vraiment les seuils de sensibilité à différents types de lumière qui vont être plus ou moins activés. Une autre chose à prendre en compte aussi pour l'adaptation, c'est la longueur d'onde. Et ça, Johan, c'est un truc aussi que tu as sans doute vu dans l'observation avec les télescopes et peut-être toi aussi, Pascal, quand tu regardes avec ton télescope la nuit. En fait, la sensibilité à la lumière, elle change en fonction de la longueur d'onde. Si on est au soleil, on est beaucoup plus sensible aux longueurs d'onde rouges, des choses comme ça. Mais alors que l'intensité lumineuse diminue, en fait, on va être beaucoup plus sensible à la lumière bleue. C'est ce qu'on appelle l'effet Purkinje, c'est la personne qui l'a mis en évidence. Et vraiment, vous pouvez penser à ça, si vous observez une image qui est en pleine lumière, les couleurs, elles vont être hyper lumineuses et surtout le rouge va bien ressortir. Mais au fur et à mesure que l'intensité de la lumière baisse, ben, tout va se griser petit à petit jusqu'à se devenir noir et blanc. Si vous n'avez plus que vos bâtonnets, vous voyez en noir et blanc la nuit, en fait. Et si vous avez un peu encore les deux qui sont activés, là, vous voyez un peu grisâtre, vous savez, sur ces paysages de nuit. Et ben, c'est vraiment lié à ça, au fait qu'on a un shift de sensibilité des longueurs d'onde. La journée, on appelle ça la vision photopique, où on a toutes les couleurs qui popent bien. La nuit, en noir et blanc, on appelle ça la vision scotopique. Et au milieu, on a la vision mésopique, qui est vraiment la vision un peu intermédiaire grisée qu'on voit. Alors ça a des applications, bah notamment en astronomie. En astronomie, on utilise souvent on se place souvent dans le côté lumière bleue. Mais on sait que l'effet Purkinje, donc cet effet de shift de longueur d'onde, peut fausser l'estimation de la luminosité de certaines étoiles. Si l'une étoile est rouge, par exemple, on peut avoir des problèmes d'estimation de la luminosité pour les étoiles variables. Parce que suivant la couleur dans laquelle ça apparaît, ben, on aura des calculs qui sont faussés à cause de ça. Je ne sais pas si tu savais, Johan. Hop, je ne trouvais plus le bon. Ben. Voilà. Je ne savais pas, mais après, ça fait quand même bien longtemps qu'on ne mesure plus la photométrie des étoiles à l'œil, quand même. Donc, Oui, mais apparemment, tu peux avoir aussi, même sur des appareils de mesure, pour les étoiles variables, hein, uniquement, parce que du coup, tu ne calibres pas. Tu peux fausser. D'accord, ok, je ne savais pas. Pascal, t'as dit un truc ? Ah non, j'ai cru. Et en fait, on peut se servir pour éclairer certains environnements dans la nuit avec certaines longueurs d'onde. Si vous savez, peut-être vous avez entendu parler des sous-marins ou des pilotes qui ont de la lumière rouge souvent, soit dans les sous-marins, soit dans le cockpit. Pourquoi on a ça ? Parce que, et de la lumière rouge de très très faible intensité. En fait, ça permet de garder une luminosité très faible, on a une luminosité très faible, donc on a les bâtonnets actifs, mais maintenir de la lumière rouge à faible intensité, ça permet de maintenir les cônes activés. Ce qui fait que si jamais les gens ont besoin de lire rapidement des choses, etc., on n'aura pas ces effets d'adaptation qui vont être mis en place, puisque les cônes seront toujours activés, même si on est dans un environnement sombre. Et comme la lumière rouge, elle est faible, ça va pas saturer les bâtonnets, donc on reste adapté, en fait, à la lumière très faible. Donc, jouer sur ces questions d'intensité lumineuse et de couleur et de longueur d'onde, ça permet vraiment pour des environnements, on en a besoin, hein, comme pilote, ou voilà, quand on est dans des environnements sombres, de garder actifs les deux types de vision pour pouvoir réagir quand il faut. Est-ce que vous m'entendez tous là? Tout le monde s'est pixelisé d'un coup? Ok. J'ai eu peur que ce soit ma connexion. On l'utilise aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a des animaux qui ne voient pas la lumière rouge, comme par exemple les rats, les souris qui n'ont pas de cône rouge. Parfois, pour faire des études sur ces animaux dans la nuit, on les éclaire avec une lumière rouge très basse, ce qui ne les perturbe pas parce qu'ils n'aperçoivent pas. Mais on reste dans la nuit quand même. Voilà. Ensuite, pour continuer, je voulais parler justement de quelques pathologies assez importantes qui touchent l'œil et qui sont un peu liées à ce dont j'ai parlé, la perception de la lumière. Je voulais parler notamment du déficit en vitamine A, qui touche vraiment le rétinol et le rétinal, donc vous savez, le pigment qui est au sein de tous les photorécepteurs. En fait, lorsqu'on a des gros déficits en vitamine A, par exemple en Afrique, dans des populations au-delà de la famine, des choses comme ça, on peut avoir des gens qui deviennent aveugles progressivement, juste parce qu'ils perdent comme ça la capacité de faire des photorécepteurs, d'avoir des photorécepteurs de bonne qualité. En général, ça commence par des conjonctivites, des choses comme ça, et puis ensuite des problèmes au niveau de la cornée. Et à la fin, on a d'abord une perte de la vision scotopique, donc de la vision de jour, et puis de la vision de nuit, et ensuite de la vision photopique, donc de la vision de jour progressivement. Alors pour remédier à ça, vous avez peut-être entendu parler de cette initiative il y a quelques années, notamment au niveau des OGN, du riz doré, des gens qui voulaient faire du riz à la vitamine A. Bon, ça a été très polémique après, parce qu'évidemment, ça mettait une dépendance des pays, etc., à ce riz. Néanmoins, ça a prouvé quand même certains effets positifs, et ça fait partie des choses qui sont vraiment des problèmes majeurs en fait, et dont finalement qui sont des choses qu'on pourrait résoudre assez facilement. Mais ça montre quand même à quel point la malnutrition a évidemment plein d'effets, mais cet effet sur la vision, c'est quelque chose qu'on retrouve. On a vraiment un lien fort entre la vision et la nutrition. Et pour ça, je voulais, pour finir, parler d'une autre maladie qu'on a aussi, qui s'appelle les problèmes qui sont liés à la dégénérescence maculaire diabétique ou la rétinopathie diabétique. Quand on a du diabète, on a en général beaucoup trop de sucre dans le sang, hein, et l'œil est assez sensible à ça. L'œil consomme énormément d'oxygène, donc on a besoin de beaucoup de glucose, etc., pour fonctionner, beaucoup d'énergie. Et en fait, particulièrement aux États-Unis, puisque c'est un pays où on a beaucoup de diabète, mais aussi partout dans le monde, on se retrouve avec des rétinopathies diabétiques, qui est une dégénérescence de la rétine, qui est liée justement au fait qu'on a trop d'oxydation, des dépôts qu'on retrouve d'abord au niveau de la rétine, et qui peut conduire aussi à l'aveuglement, de toute façon, juste à la fin. Et un des moyens remédier à ça, c'est certaines thérapies qui sont discutées, mais utilisées quand même dans certains pays. Donc je voulais en parler, et je voulais en parler parce que ça prend en compte ce côté, l'adaptation au noir dont j'ai parlé un peu plus haut. Ça montre qu'aussi connaître toute cette physiologie de l'œil, ça nous permet aussi d'avoir des traitements. En fait, il existe des masques lumineux pour ces personnes qui sont censés supprimer les phénomènes d'adaptation au noir. Et on pense que ça aide à limiter le développement de cette maladie, parce que ça empêche l'activation des bâtonnets, qui sont ceux qui consomment le plus d'oxygène. Et donc, éventuellement, on va avoir un stress le plus important. Donc, en fait, bien comprendre tout ce qui est développement de l'œil, ça et physiologie de l'œil et son anatomie, etc., ça nous permet aussi de développer des traitements nous permettent de soigner, etc., avec des applications dans pas mal de domaines. Alors, quand même, globalement, je pense qu'avec avec cet épisode, vous avez vu que C'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. L'œil, c'est pas uniquement voir une image, voir de la lumière, activer des photorécepteurs. On a énormément de choses qui rentrent en jeu. Et ça nécessite quand même un fonctionnement extrêmement coordonné à la fois de l'œil, de sa structure, de ses muscles, et ensuite, évidemment, du cortex derrière qui va interpréter toutes ces images. Et toutes ces données, tout ce que je vous ai présenté là, une partie des choses qu'on connaît, notamment sur le détail des mouvements de saccades, des choses comme ça, il y a pas mal de choses qui ont été faites dans les années 2000, dans les années 90, donc c'est quelque chose qui est quand même pas si vieux que ça. Et les gens étudient toujours énormément le fonctionnement de l'œil pour essayer de comprendre ce que certains mouvements veulent dire, comment le signal est relayé au cerveau, les différentes aires du cortex visuel, etc., etc. Donc c'est une science qui est quand même encore en plein développement. Et les lunettes de daltonien, les lunettes pour tout ce qui est rétinopathie, pareil, c'est des choses qui ont été développées 2015, 2018, des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est vieux, qui est connu, etc. C'est vraiment des innovations récentes. Donc, bref, tout ça pour dire que avoir une bonne connaissance de système physiologique, même si a priori on peut se dire « Ah, bah la vision, on comprend tout », non, il y a encore plein de choses à découvrir. Et je trouve que c'est quand même assez chouette d'un point de vue à la fois anatomique, physiologique et neurologique de se dire qu'un système qui est étudié comme ça depuis des années, on a encore tant de choses à savoir. Et en plus, là, tu t'es limité juste à l'œil. Oui. Oui, oui. C'est dire comme quoi il y a encore beaucoup de choses à savoir. J'ai hésité à partir dans tout ce qui est cortex, mais pour le coup, j'ai pas voulu dire de bêtises. Et là, il y a énormément de choses à dire. Il y a des choses hyper intéressantes qui ont été faites. Par exemple, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast Écolocation, mais par exemple, sur des gens qui sont aveugles de naissance ou qui sont devenus très jeunes, en fait, on s'est rendu compte que des aires du cortex visuel ont été ensuite réallouées pour faire de l'écholocation, par exemple. C'est des gens qui peuvent faire des clics, comme les chauves-souris, et puis estimer la distance des objets, etc. Et quand on regarde leur cerveau, ce qui s'allume, c'est pas les régions de l'ouïe, c'est les régions visuelles, en fait. Donc, il y a plein de questions comme ça qui sont liées au, voilà, le cortex visuel, est-ce que c'est pour se représenter dans l'espace, ou est-ce que c'est uniquement pour voir, ou... Enfin, il y a... Et ça, je crois que, alors du coup, la littérature récente, il faudrait qu'on invite quelqu'un pour nous parler de ça, qui travaille là-dessus. Ouais, futur épisode sur cortex visuel, ouais. Uniquement. merci, c'était super intéressant. Est-ce que tu es venu avec une quote ? J'imagine que oui. Écoute, je suis venue avec une quote. Où est-elle ? Alors, c'est une quote un peu philosophique. C'est d'un livre que je recommande à tout le monde. Je pense que... Est-ce que ce serait celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Attends, je regarde. Si je devrais choisir un livre... Oui, c'est bon. Non, mais je voulais dire, si je devais choisir un livre à emporter sur une île déserte, peut-être que ce serait celui-là. C'est la trilogie de Philip Pullman à la croisée des mondes. Heat Deck Materials en anglais, qui a fait, je crois qu'il y a un TV show sur HBO, est-ce que c'est HBO ? Enfin, il y a une série qui est en cours de développement actuellement dessus, mais c'est un bouquin qui est sorti dans les années 90. C'est une trilogie un peu fantasy en lien avec le monde réel, mais qui est vraiment exceptionnelle. Et donc la citation, c'est « Dès qu'ils voient une chose, les êtres humains ne peuvent s'empêcher de la détruire. Voilà le vrai péché originel. » Voilà. Ça me fait rigoler parce que je, quand tu as dit que c'était un de tes livres préférés, je m'attendais à ce que tu dises ça parce que tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Oui. Et la série, moi je l'ai lu enfant il y a 20 ans, mais effectivement c'était bien. Et la série est pas mal aussi. Ouais, j'ai eu du mal la série parce que j'avais lu le livre peu de temps juste avant qu'elle sorte. Et du coup, c'était trop frais dans ma tête, en fait. Et voilà. Très bien. Et donc, sur ce, nous allons vous laisser. On le fait pas très souvent, mais je voulais vous rappeler que notre seule publicité, c'est vous. Donc, si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux, parler de nous à vos amis, à votre famille. Et puis nous mettre des étoiles sur les plateformes quand vous envoyez l'occasion. Voilà. En tout cas, on reçoit vos messages de félicitations et de remerciements. Ça nous fait toujours très, très chaud au cœur. On en a reçu un cette semaine qui nous a beaucoup touchés. Même s'il nous a dit qu'il écoutait en partant de l'épisode zéro, donc il écoutera sans doute ce mot que je lui dis que pour le remercier dans 4 ans. Mais voilà. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de... J'ai un doute. On parle de la régénération, il me semble, et en fait c'est Topo qui invite deux de ses collègues. Deux de ses collègues, voilà, pour parler de ça. De l'université Paris-Cité, et du coup nous serons, je viendrai chez lui pour enregistrer, voilà. Et donc on vous retrouve la semaine prochaine, et que servir la science soit votre joie. We'll be right back.